Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Melha Bedia. Ah bah salut à tous, ça va? Bah très bien, et toi? T'es bordelais en fait. Exactement. Putain, j'ai un frère qui habite à Bordeaux et on l'a banni. Ah bon? Bah ouais, il s'est sauvé, c'est un mec du bassin aquitain, ça y est. C'est plus un mec des nôtres de Gennevilliers, c'est fini. Ah bah, ça y est. Bon, peut-être qu'il aura le droit de revenir, on sait jamais. Ouais, il fait du vélo, ça y est, on veut plus de lui. Ah ben non, ça y est, c'est sur les bords de la Garonne. Ah, toi, t'es pas tombé dedans encore? Non. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, t'es pas un bobo. T'as mon poids, tu m'as vu sur un vélo. Ouais, mais c'est... j'ai vu des mi-bobo, mi-bougnoul, j'ai vu, il y en a, ils voilà, tentent. C'est ça. Bon, ben nickel. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter de scène? J'en ai une vraie qui était à mes tout débuts. Mm-hmm. En fait, moi, j'ai commencé avec Diams en tournée. Et elle me faisait faire ses premières parties en humour, sauf qu'elle m'avait pas prévenu, donc je faisais que de l'impro. Et j'ai commencé avec genre des vraies grosses salles, tu vois, parce que c'était Diams en fait. Diams, oui. Et ça moi, être comme peut-être pas des zéniths. Au début, c'était des moyennes salles, genre comme l'Olympia et tout ça. Ouais, donc 2000 places, ouais. Un truc comme et ça. Et après, ouais. On a fini avec les zéniths et tout, donc c'était de pire en pire dans le stress que j'avais. Ouais. Mais j'ai une anecdote qui me revient souvent, c'est au Printemps de Bourges, j'étais devant 12 000 personnes, c'était ma troisième fois sur scène de toute ma vie. Ah ouais. Et elle me donne le micro et j'avais une écharpe. Tu vois, ouais. Et j'ai vomi du backstage à la scène, j'ai vomi, sauf que tout s'est retrouvé dans l'écharpe. Oh. Donc j'ai fait tout mon sketch avec des bouts de morceaux de vomi. J'ai fait une bonne quinzaine de minutes, un sketch devant 12 000 personnes, donc j'étais déjà main moite, stress et vomi qui m'entourait le cou dans l'écharpe avec des vrais morceaux parce que grâce à Dieu j'ai bien mangé. Ah, tu l'as pas enlevé Mais non, en fait, si je l'enlevais, on ah le ben voyait. Oui. Et ben oui. Et après, je me suis dit, je vais enlever l'écharpe, mais après, je me suis dit, non, chelou, j'étais tellement stressé que j'étais immobile avec des remontées de vomi. Donc c'était ma pire anecdote de scène, c'était ça. Et en plus à ta troisième quoi. Ma troisième au Printemps de Bourges, un gros festival, 12 000 personnes, Diams, je suis pas encore humoriste dans ma tête, ouais. Rien n'allait. Et j'avais des énormes morceaux de vomi, des beefsteaks frère. Donc vraiment j'étais mal. Mais l'avantage de ça, c'est que t'as commencé par le pire, tu vois. Ouais, je suis pas sûr en vrai. Hein. Non, ça s'accentue plus ou moins après. Je me dis, avec ce qui s'est passé là, tu t'as plus peur de rien derrière. Ah oui, à part si je me chie dessus, là, après, c'est... si j'ai une gastro, quoi, tu vois. Bah écoute, ce sera peut-être pour un prochain épisode. Hein, ah, mais... je t'appellerai. Bon, en tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Au Théâtre du Marais. Oui. C'est les jeudis, vendredis, samedi et dimanche. D'accord. Et à quelle heure? 21h30. 21h30, ok. Et le dimanche à 17h30, et voilà. Ok, donc sur les réseaux sociaux, Melha Bedia. Melha Bedia, voilà. Ok, donc sur Facebook. Ou Jennifer Lopez, des fois aussi, ça tombe sur Ouais, c'est ton faux mais profil, une fois ouais, sur je mille. Sais, je sais. Ah, mais fais gaffe, il y a une meuf en Amérique qui se fait passer pour toi. Je sais, je l'attrape. D'elle, si je l'attrape, peut-être de la mère à la voir. Pas de soucis. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.